Allô poteau, t'es où, faut qu'on parle à l'écart des gens. Ce moment le terrain coule, je pourrais pas assumer longtemps. La Madrid tout va bien, je pense à elle, c'est parce que tu penses qu'en argent c'est pas évident. J'en vends assez à ses clients. Pisté par les cops, je suis dans la merde et je sais que tu le sais. J'achète une clope sur clope, je pense à toi et je m'en puis sec. Les portes sont passées à ma rangée, ils ont tout pris, je te l'avais dit. En rigolant, ils m'ont dit merci. Une salope pour qu'il en se graisse et voit. Si je parle avec toi, c'est parce que j'ai raison. La daronne pleure le soir, dans la bac fait ça. Comment dire qu'ils sont tous en garde à vue. Les derniers qui sont vus, mon rat revient hier sûr. Les gosses venir et enculer la juge. Tu sais ce qui t'attend, tu sais que t'as trop mangé. Je suis dans la zone et j'ai besoin de te parler. Très loin des vacances, l'ennemi sort les armes. Gros si ça tient, j'ai mes couilles et mes larmes. Valentin, à quoi tu joues, gros ça va jamais se finir. Je fais que tes cauchemars, la nuit je rêve de m'enfuir. Arrête de faire le sourd, moi je veux t'aider à t'en sortir. J'en ai marre d'être planqué, je pense à ma mère chaque matin. C'est trop comment elle manque, pas à nous toujours bloqué. Premier qui bouge le bras, que je sors en boîte pour oublier. Et toutes ces putes me draguent, elles sentent la maille, aïe. Mais je fais mes bye bye bye, j'ai plus le moral. Le pays j'ai pas lâché, je suis branché sur six. Ils ont pris mes papiers, je peux plus quitter le pays. La plupart de mes proches me disent de me rendre, mais je peux pas obéir. Ça dit quoi à la cité? Les comptes continuent à déranger. Et c'est un drone jamais le rater. Mais les couvre ceux qui veulent gratter. Jette un oeil sur mon petit rêve d'un habillé à la tarante. Et le soir on est ensemble jusqu'à la mort en main ma parole. La cavale ça coûte cher tu sais. Va voir trop long t'inquiète tu vas pousser. Dans tous les cas je vais pas mourir là-bas. C'est pas Tijuana, je vais m'en sortir. Jamais à quoi tu joues, gros, ça va jamais se finir. Je fais que tes cauchemars, la nuit je rêve de m'enfuir. Arrête de faire le sourd, moi je veux t'aider à t'en sortir. Je suis en train de